Bonsoir, bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Et durant cette période hebdomadaire consacrée au rock progressif, on va entendre Eloy d'Allemagne, de Psychédélique Ensemble des États-Unis, Satellite de Pologne, Capricorn Constant d'Angleterre, Elysian Fields des États-Unis. On a une collaboration américano-britannique avec Edison's Children. Et en fin d'émission, bien, un bloc là, sur un groupe, un jeune groupe qui nous vient de l'Inde. Et le nom du groupe est Hoya. Alors, comme à l'habitude, on va aller du côté du premier bloc de l'émission qui est consacré à un album de la semaine, l'album qui est aujourd'hui consacré à Eloy. Eloy, c'est un groupe culte du rock progressif. Il nous vient d'Allemagne. Il existe depuis 1971. On a comme discographie là, 20 albums studio. Il y en a eu 15 dans les 20 premières années du groupe et puis 5 dans les 25 dernières années, dont 2 dans les 3 dernières années. Donc, c'est un groupe qui a été constant là, dans les années 70, 80, 90 avec une éclipse assez longue, à peu près une dizaine, 12 ans là, entre le 15e et le 16e album. Donc, c'est un groupe qui arrive à sa fin avec un Frank Bowneman qui quand même commence à être un peu âgé. Donc, ce qu'on va entendre, c'est peut-être le dernier album du groupe, parce que je ne le souhaite pas, mais j'ouvre une parenthèse ici aussi pour dire qu'il y a eu des rééditions récemment. C'est un coffret de disques vinyle là, qui contient 3 albums. C'est la trilogie constituée de Dawn, Ocean et Silent Cries and Mighty Echoes. Ça, c'est paru entre 76 et 79. Alors, ça a été réédité, remasterisé sur vinyle. C'est un beau coffret. Il est autographié par Frank Bowneman lui-même. Alors, c'est quelque chose que je vous recommande fortement. C'est de très belle qualité. Et si vous aimez, si ça vous tente d'écouter un DVD, il y en a eu un très bon qui est sorti en 2014, le Reincarnation on Stage. Alors, pour le bloc d'aujourd'hui, bien, ça va être le deuxième volet de l'album concept là, sur Jeanne d'Arc, The Vision, The Sword and the Pyre. C'est la partie 2. Alors, c'est un album qui contient 10 pièces qui sont assez courtes. Bien, assez courtes. La plus longue étant 6 minutes. 6 minutes, c'est pas très long. Et si on considère que le groupe a eu des pièces épiques là, de très longue durée. D'ailleurs, pour un album concept, avoir, en fait, j'ai dit 10, mais c'est 13 morceaux qui totalisent 51 minutes. Donc, c'est des pièces qui sont indépendantes les unes des autres. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de fusion. Alors, c'est difficile de faire un mix. Et étant donné qu'il n'y a pas de pièce épique, ben moi, j'aime moins ça. Mais de toute façon, vous allez reconnaître le son du groupe. Je vous propose 5 extraits qui vont durer à peu près la moitié de l'album. Alors, on débute ça avec Eloy et 5 extraits de The Vision, The Sword and the Pyre. Believe. Prepare me. Thank you. from here. Why is there no aim in sight? We know neither our way nor the plan. What has the king in mind? Ready now to win the war, with Paris to regain, but we can strike again here and now unless we get the king's command. We have gathered to resume our campaign, though the king is still in doubt. We are ready now to join our virgin's call, confident in mind and soul, in mind and soul. away. You've been spitefully led astray by insidious men, determined to condemn you by a devious plan. You seek shelter by your saints, refuse their voices to Alors, c'était le groupe allemand Eloy et quelques extraits de leur plus récent album The Vision, The Sword and the Pyre. C'est la partie 2 du concept là, qui tourne autour de Jeanne d'Arc. Alors, après la pause de Psychédélic Ensemble et Satellite. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, pour le deuxième bloc de l'émission, bien, on aura une nouveauté en fait, c'est un musicien multi-instrumentiste qui opère sous le pseudonyme de Psychédélic Ensemble. C'est un musicien qui est anonyme, on ne sait pas qui il est. Il a 6 albums studio, ça fait 10 ans qu'il roule sa bosse, il joue de tout. Il se fait aider par un violoncelliste sur cet album qui est The Mother's Rhymes. Et, il se fait aussi accompagner d'un violoniste et de 2 ou 3 chanteuses là, professionnelles. Mais lui, il s'occupe de la partie musicale et c'est un musicien assez... en tout cas, qui a des problèmes mentaux. Il est en psychanalyse depuis... Et puis, en fait, sa boîte de sauvetage, c'est la musique. Alors, je vous propose 2 extraits de son plus récent album « Mother's Rhyme ». Ça va être « Blind Mice » et « Farewell ». Et ça va être suivi par le groupe « Satellite » de Pologne. En fait, « Satellite » qui est le successeur du groupe « Collage ». Il y a eu à la dissolution du groupe dans la fin des années 90, début 2000, bien, il y a eu la formation de Satellite, l'instant de 4 albums studio entre 2003 et 2009. Et aujourd'hui, bien, je vous propose le 2e album paru en 2005, Evening Games, et ce sera la pièce titre. Alors, on débute avec de Psychédélic Ensemble. Thank you. breathe deep, don't fall asleep before the sun awakens. Your life might be taken. Think twice, don't roll the dice. The odds aren't in your favor. Your end, sooner or later, comes just when you are sure that all is well. All fear expelled, life bids farewell. Don't blink, the sun it sinks. Each night the moon awakens. You fear you might be taken. You scream inside your dreams. Somewhere deep inside you, those rhymes mother read you. Haunt you as if the pages cast a spell. In your mind they dwell as days. It's farewell, ah, farewell, it's farewell, farewell. You weep and fall asleep, your hidden fear awakens. Thank you. Evening. as darkness grows and flocks of stars appear to give us guiding light. There's one for you and one for me, and we believe we are free. As tired breath of steady sings as loud. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est la formation polonaise Satellite et la pièce-titre de l'album Evening Games. Ça, c'est paru en 2004. Et ça a été précédé de la formation américaine de Psychedelic Ensemble et on a entendu deux extraits de leur plus récent album Mother's Rhymes. Et après la pause, on aura Capricars Constant, une nouveauté, Elysian Fields, une nouveauté et Edison's Children, aussi une nouveauté. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, je rappelle aux auditeurs que si vous voulez connaître la teneur des, en fait, l'information concernant la musique qui est jouée durant l'émission, bien, je vous invite à consulter la page Facebook de l'émission Rock de Neurones. Alors, au début de troisième bloc, on a une formation britannique du nom de Capricars Constant. C'est leur deuxième album. L'album s'intitule Depth of Field. C'est un groupe de musiciens britanniques qui se font accompagner par au moins trois invités de calibre. Là, j'ai nommé David Jackson, le saxophoniste de Van de Graaff Generator. On a Mark Walker, le batteur du groupe Caravan. Et on a aussi le chanteur de Jethro Tull, Ian Anderson, qui fait des voix sur une pièce en particulier. Alors, nous, on vous propose la pièce « Ghost Plains ». Ce sera suivi de Elysian Fields, c'est un groupe américain qui est rendu à une troisième sortie là, en pas grand temps. C'est un album assez généreux. Je vous propose, ben, en fait, l'album s'intitule Terra de Saga of Sol 3 et je vous propose un extrait de Terra Part 4 de Quest. Et ça va être conclu le bloc par Edison's Children, qui est un groupe qui est déjà rendu à son quatrième album studio. The Disturbance Fields. Alors, c'est un groupe qui tourne autour de Pete Trewavas, l'ancien membre de Marillion, ou je ne sais pas s'il est trop encore avec Marillion, mais on a la pièce A Random Disturbance. Alors, on débute ça avec Capricars Constant, qu'on compare de façon avantageuse avec Big Big Train. Destination, London. for the Germans to get their doodlebugs to land on London, they needed to fly over the area in which we lived. And we as kids used to delight in seeing if we could see them coming over. Slingshot England bound. Her shadow stains the waning moon. Her rocket shakes the ground. Dogfight over the channel. Outruns Merlin's straight line speed. Two fingers flick the ack-ack. Seems the drone just may succeed. Once the window came down, all the front and windows, the whole friend of one, sucked me up with his hand. I pulled up still in the hurt of my knees. Ghost plane scorched the evening sky. 80 days, one summer. Tales of fire never tire. Vengeance is our only crew. Across the rooftops, ghost planes fly. 80 days, one summer. If your last defense. Pure revenge, this grave's for two. Monstrous silver jumbos keeping gold for London town. From Red Hill through to Chatham, train their wires across the downs. A Wellesian dream awakens. A at that stage, we didn't know the planes were pilotless. The ghost plane scorched the evening sky. 80 days, one summer. Tales of fire never tire. Vengeance is our only crew. Across the rooftops, ghost planes fly. 80 days, one summer. If your last defense is pure revenge, this grave's for two. Silently our diver falls to earth not far away. The boys astride the rooftop, fixing tiles at break of day. The stoic and the fearless and the terrified join hands. The wicked mankind does his share across opposing lands. 80 days, one summer. 1944. The fag end of a fight to bring the curtain down on war. We'll be right back. coming back. They might see the screen there and drop dead straight on the stone. But they might ride on. This one is a show, right in the front garden, on the doorstep, comes in several to be in the room. And of course, I'm in the mighty The ghost plane scorched the evening sky. 80 days, one summer. Tales of fire, no human flyer. Revenge. 21st century. The pace is fast and the times are crazy. We're working hard and we're learning just who we are. We have conquered air and we've harnessed fire. To live forever, we now aspire. We're reaching down through the depths and up to the stars. I know we've come far, but still we're plagued with bloodlust. I'm telling you, I'm worried. Tech is turning our kids into fools. They are so crowded, there'll soon be no food. A lack of care for our world leaves me in disgust. Calm yourself, you should never lose hope. That tide will always get by. So friend, what you need is trust. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, nous voici donc rendus au dernier bloc de l'émission que je vais consacrer à une nouveauté. En fait, c'est un jeune musicien qui nous vient de l'Inde. Son nom, c'est Pratik Rajagopal. Et il a formé le groupe Hoia, c'est H-O-I-A. Et c'est un trio, en fait, qui est composé d'un batteur, de lui-même qui, comme je disais, multi-instrumentiste. Donc, il est guitariste, et il fait des synthétiseurs, des claviers, de la manipulation digitale surtout. Et il est assisté du bassiste de Porcupine Tree, l'ancien bassiste de Porcupine Tree, Colin Edwin. Alors, il nous propose un album avec 5 pièces. Moi, j'en ai extrait 3. J'adore son jeu de guitare. C'est sûr que du côté vocal, il se fait aider un peu du côté vocal, mais c'est pas là l'attrait de cet album-là. Alors, je vous invite à écouter attentivement les nuances, les sonorités, toutes les subtilités là, qui originent de son jeu de guitare. Alors, Hoia. Alors, c'était du continent indien, de l'Inde, en fait, le groupe Hoya, H-O-I-A, et c'est leur premier album, Scavenger, et on a entendu trois extraits. Alors, ceci clôt la programmation musicale de cette 226e émission de Rock de Neurones, et je vous invite à consulter la page Facebook de Rock de Neurones pour connaître toutes les informations concernant les titres des pièces, les noms des albums, d'où originent les pièces, le nom des groupes, la provenance géographique des groupes et puis la durée des pièces. C'est aussi sur la page Facebook que vous aurez un lien qui vous amènera à toutes les émissions archivées. Il y en a près de 160 et qui vont vous permettre de retourner dans le passé jusqu'en 2014, en fait. Et puis, ça va vous donner un petit aperçu. J'ouvre la parenthèse ici pour dire que depuis 7 ans maintenant que l'émission existe, et 95 ou 96% du temps, c'est des nouvelles pièces, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de répétition. Alors, si vous allez dans des émissions passées, ben, vous allez avoir des pièces originales. Il n'y a pas de, il y a presque pas de copies, sauf les grands titres des années 70 que j'aime bien reprendre de temps à autre. Alors, c'est Jimmy Farley qui espère que vous avez aimé l'émission et qui vous invite à vous joindre à nous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de rock progressif sur les ondes de CIFU, la FM 89.1 à Trois-Rivières.